Acheter un billet de train, histoire. Liste de mots. Se rendre quelque part. Une possibilité. C'est bien pour demander ou donner confirmation. J'ai bien fait. Tant pis. Se dépêcher. Ce n'est pas grave. Un coup de main. Tout est en ordre. Histoire. Audrey se rend chez sa grand-mère pour passer le dimanche après-midi. Elle doit se dépêcher car elle est en retard. Jean-Luc n'a pas voulu l'accompagner. « Tant pis, ce n'est pas grave », lui a-t-elle répondu. Il lui a quand même donné un coup de main pour charger la voiture. Avant de partir, elle lui demande « C'est bien la direction autoroute A6 que je dois prendre pour aller chez ma grand-mère ?» Jean-Luc, qui connaît bien la route, répond « C'est la meilleure possibilité si tout est en ordre, mais à cette heure-ci, il risque d'y avoir du trafic. Je te conseille de prendre la nationale N23 pour t'y rendre. C'est la meilleure possibilité à cette heure-ci. » La N23, fou, c'est bien la route que tu prends pour te rendre au travail, se demande Audrey. Non, pas tout à fait, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Tu fais comme si tu allais au centre commercial. Puis au rond-point, tu prends la deuxième sortie et tu continues sur la nationale. Tu verras, tout sera en ordre, tu ne peux pas te tromper, dit Jean-Luc pour la rassurer. Merci, j'ai bien fait de te demander. Je te laisse, je dois me dépêcher. Je suis déjà un peu en retard. Tant pis, ce n'est pas grave. Il y a toujours la possibilité que je lui téléphone en chemin. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Si tu te perds, ce n'est pas grave, tu peux m'appeler pour que je te donne un coup de main. En chemin, Audrey se dit. Bon, jusqu'ici, tout est en ordre. J'ai bien fait de demander à Jean-Luc. Alors, voici le centre commercial. Je prends la deuxième sortie et je suis bien sur la N23. Par contre, j'ai perdu du temps avec les feux tricolores. Mais tant pis, ce n'est pas grave, ça ne sert à rien de se dépêcher. Elle décide de téléphoner à sa grand-mère. Bonjour mamie, c'est Audrey. Ah bonjour, tu vas bien? Très bien, je suis contente de me rendre chez toi. Et toi, ça va? Oui, ça va. J'ai entendu qu'il y avait des bouchons sur l'autoroute. Ah bon? J'ai bien fait de passer par la route nationale alors. Je serai un peu en retard, mamie. J'ai dû donner un coup de main à Jean-Luc, qui travaille dans le jardin, et je suis parti trop tard de la maison. Oh, tant pis, ce n'est pas grave. Prends ton temps, ce n'est pas nécessaire de te dépêcher. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je t'avais bien dit que j'arriverais à 3 heures. Oui, tu avais dit que s'il y avait une possibilité, tu partirais plus tôt de chez toi pour arriver vers 2h30, mais que dans tous les cas, tu serais là à 3h au plus tard. Désolé, si tout est en ordre, j'arriverai à 15h30. Tant pis, j'ai bien fait de ne pas arrêter ce que je faisais. J'ai commencé à m'occuper de mes fleurs dans le jardin. Eh bien, continue, je te donnerai un coup de main en arrivant pour finir. Parfait, c'est gentil. Tu as bien fait de me téléphoner, sinon je me serais inquiété. C'est normal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Finalement, Audrey arrive chez sa grand-mère à 3h25. Bonjour mamie. Encore désolé pour le retard. La prochaine fois, je me dépêcherai plus. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas grave. Bon, rendons-nous dans le jardin que je te donne un coup de main pour t'occuper de tes fleurs. Ce n'est pas nécessaire. Tout est en ordre. J'ai fini. Par contre, si tu as la possibilité de m'aider à déplacer le gros pot de fleurs qui est au fond du jardin, ça m'aiderait beaucoup. Mais je te donne un coup de main avec plaisir, mamie. C'est bien celui-ci qu'il faut déplacer? Non, celui qui est derrière. Audrey et sa grand-mère finissent de travailler dans le jardin, puis se rendent dans la cuisine pour prendre le café. Je t'ai préparé un gâteau. « Ton grand-père m'a donné un coup de main avant de partir voir ses amis, » dit la grand-mère. « Oh, j'ai bien fait de ne pas trop manger à midi. Par contre, je risque de ne pas beaucoup manger ce soir, » répond Audrey en souriant. « Oh, tant pis, » dit la grand-mère. « c'est mieux de ne pas trop manger le soir quand tu en as la possibilité. Audrey aime le gâteau. Il est délicieux, mamie. Malheureusement, il est déjà 6 heures et je dois me dépêcher de rentrer à la maison. J'ai du travail à terminer avant de reprendre le travail demain. La grand-mère est un peu déçue, mais dit d'une voix calme. Tout est en ordre, ma chérie. Nous nous reverrons bientôt. Oui, à très bientôt, mamie, dit Audrey en se dépêchant de rejoindre sa voiture.